mentaliste, journaliste. Rite panique par les fondamentalistes, islamistes, pays comme sunnistes. Les garantes frontières, l'image est sinistre. Un terme au terrorisme, voilà ce que disent tous ces ministres. Trop de génocide humanitaire, trop de politique ordonne aux militaires. Serrer les poings en l'air pour que la paix règne sur terre. Combien de peuples paient comme bouc émissaire et que la paix se lise dans toutes les prières. Frères, de quel droit ordonne-t-il droit de tuer? Au nom de qui? Au nom de quoi peuvent-ils perpétrer? De quel droit accusent-ils l'islam de l'extrême? Au débat sur nos écrans, hein, ils nous mettent la haine. De quel droit bafoutent-ils la terre sainte? De quel droit? De quel droit ai-je le droit? De quel droit à l'extrême droite? De quel droit? De quel droit retranscrit ce que je vois? Même si mes yeux ici lisent peu de joie. Voici entend l'amour qui brille dans nos âmes. Pour tous mes frères fidèles, bannissons l'amalgame. La haine s'étend du Moyen-Orient. Palestine, Israël pour le combat des temps s'étend. Les caméras ciblées sur l'intifada prétend. Blanc comme la paix, la couleur que je défends. Hommage aux victimes du Rwanda. En Irlande du Nord, l'organisation de l'IRA. En Espagne pour l'indépendance, le TA. Que mes paroles t'explosent comme un attentat. Pour tous ces massacres dans le monde, guerre d'information sur écran s'inonde. Cœur s'effondre et la colère se gronde. Et maintenant j'ai envie de dire. Et si chaque nuit était un défi? Et si aujourd'hui rien n'était écrit? Serions-nous les mêmes des guerres épargnées? Ma terre et la tienne, on peut partager. Le monde est contrôlé par la main d'un seul homme. Un seul état au pouvoir qui nique l'espoir des gens innocents. Menacés dans leur propre territoire, j'en témoigne certes. Et t'en parles d'une manière générale. Vidéo, tout est tellement beau. Sur terre, tout me paraît si cruel. Israël n'en est pas la cause de la tragédie. Mais quasi un enfer pour la Palestine qui souffre actuellement, bêtement. En ayant le sentiment que la vie ne mérite plus d'être vécue ici-bas. Kamikaze dans l'âme, on ne leur laisse plus le choix. J'en ai du mal à l'exprimer, tu vois comment t'expliquer ça. Imagine-toi juste à la place de ce môme. Abattu dans les bras de son père par des tirs israéliens. Comment on peut réagir à la place d'un martyr palestinien? Qui n'a que la foi pour braver la lâcheté de ses ennemis. Seule représailles, la souffrance, son pays noyé dans les pleurs. J'en ai le cœur net. D'ailleurs je m'adresse aux dirigeants de cette planète. Jugé coupable de tous ces assassinats. Et de quel droit? Je comprends pas, que faisons-nous dans tout ça? Chef d'état tranquillement assis sur une chaise. Tout à part préméditer les cibles qui les intéressent. Insensés sont ces mentalités de merde qui se croient tout permis. En voici donc un cliché d'un acte extra perverti. J'en suis écœuré. Révolté face à un miroir qui reflète une atrocité discriminatoire sans équivoque. Je provoque et incite l'opinion publique à prendre partie de mon carnet de notes. Ceci dit, dans nos têtes, c'est le vrai désordre. Comme en Tchétchénie, un peuple qui subit à tout moment des crimes fondamentalistes. C'est triste, à nos yeux l'image est sinistre. Un terme au terrorisme, voilà ce que disent tous ces ministres. Voilà ce que disent tous ces ministres. Ouais, c'est comme je te le disais. Après les effondrements des deux tours, mais ils espèrent faire quoi au retour? Ça ne parle plus d'amour, mais que de guerre dans leur discours. Ma R mot, ceux qui vivent loin de nous. Les larmes sont tabous. C'est un appel à la paix, une opposition à la violence. L'espoir et l'amour dans tout ça que sont-ils devenus? Les ai vus partir à cette guerre et n'en sont pas revenus. Savoir que le monde part en couille. J'imagine la fin du film. J'ai trop de détresse du côté du peuple afghan. Trop de mémis de l'Occident sur l'Orient.